On va directement, chers téléspectateurs, passer à la deuxième articulation de cette édition. Nous l'annoncions d'entrée concernant bien sûr le groupe Wagner avec les députés de la France qui en Assemblée nationale mardi dernier ont donc adopté à l'unanimité une résolution demandant d'inscrire le groupe Wagner accusé d'exactions en Ukraine et en Afrique sur la liste de l'Union européenne des organisations terroristes. Et oui, c'est donc une loi qui a été votée. Il faudra le dire du côté de la France. Ils ont décidé de se mobiliser diplomatiquement. Alors, dans cet extrait sélectionné pour vous, on va écouter l'un des députés donc de l'Assemblée nationale de France. Il s'agit de Benjamin Haddad qui parle donc de Wagner, qualifiant Wagner de groupe mercenaire à mettre désormais dans la liste des terroristes. On prend un petit extrait et on se retrouve juste derrière. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur l'Ambassadeur d'Ukraine, chers collègues. Nous sommes... Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur l'Ambassadeur d'Ukraine, chers collègues. Nous sommes aujourd'hui le 9 mai, jour de l'Europe, et pour la deuxième année consécutive, une journée endeuillée par la guerre d'agression que mène la Russie contre l'Ukraine sur notre continent. Depuis plus d'un an, les Ukrainiens résistent de façon héroïque à l'invasion et la France, avec ses alliés européens, soutiennent l'Ukraine par les sanctions, les livraisons d'armes et la diplomatie. Aux côtés de la Russie de Poutine, une armée du chaos soutient les régimes despotiques en Afrique et au Moyen-Orient. Au Soudan, en Libye, en Syrie, au service du régime de Bachar al-Assad, dans la guerre d'agression contre l'Ukraine, au Sahel, où les intérêts de la France ont été directement visés par des opérations de désinformation. Partout où ils s'implantent, les membres du groupe Wagner sèment l'instabilité et la violence. À Moura, à Bakhmout, à Bossangoa, à Boutcha, à Bria, ils assassinent et torturent, ils massacrent et pillent, ils intimident et manipulent dans une impunité quasi totale. Le rôle de Wagner dans ces exactions nombreuses a été révélé par des ONG, des journalistes, dont certains que je salue aujourd'hui dans cette salle. C'est grâce à leur travail d'investigation courageux et déterminé que l'on peut aujourd'hui avoir ce débat. Non, les membres du groupe Wagner ne sont pas des simples mercenaires attirés par l'appât du gain. Ils poursuivent une stratégie globale du Mali à l'Ukraine de soutien à la politique d'agression du régime de Poutine contre nos démocraties. Ils sont un instrument de guerre hybride. L'ennemi nous a désignés. Nous ne l'avons pas choisi, mais nous devons l'assumer. Il s'attaque à nos intérêts, à nos valeurs, à nos systèmes de gouvernement, partout où il le peut. Il s'ingère dans nos processus démocratiques, comme aux États-Unis en 2016 ou en France en 2017 avec les usines à trolls de Prigozhine. Il monte des faux charniers pour faire accuser la France comme à Gossy l'an dernier et amplifie la propagande anti-française sur le continent africain. Donnons-nous les moyens de le combattre et de le vaincre avec nos partenaires européens. Aujourd'hui, seuls 11 membres du groupe Wagner sont sous sanction. Ils sont 9000 à travers le monde et plus de 50000 déployés en Ukraine, avec des chars d'assaut, des hélicoptères et des avions de combat. Il faut nommer les choses. L'activité du groupe Wagner répond à la définition européenne du terrorisme. Intimider des populations civiles, contraindre indûment des pouvoirs publics, gravement déstabiliser ou détruire des institutions. À travers cette résolution, nous nous appelons les autorités européennes à renforcer considérablement leur coopération et leurs instruments judiciaires, financiers, pour faire la lumière sur cette organisation tentaculaire et opaque, lutter contre Wagner et ceux qui rendent ces opérations possibles. De la sortie, on va dire la locution du député de la Renaissance de Paris, Benjamin Haddad, voilà, taxant deux groupes terroristes, le groupe Wagner sur Afrique Média. Depuis quelques jours, nous parlons de ce groupe Wagner et d'ailleurs, nos envoyés spéciaux sont aux côtés de ce groupe pour vous faire vivre depuis quelques jours un camp d'entraînement du groupe Wagner. Mais avant de prendre l'élément de nos envoyés spéciaux en compagnie du groupe Wagner, on va d'abord poser la question à Linda Larbaoui. Linda, et voilà donc les propos de Benjamin Haddad, un député français. Alors, quelle analyse ou quel commentaire faites-vous après ce que vous avez entendu? Lui qui tire sur Wagner, qui parle de mercenaires, de groupes terroristes, et pourtant ce sont ces mêmes Français-là qui ont lancé des interventions sans issue en Afrique. et la France recule en Afrique et qui remplace, c'est la Russie. Wagner, c'est un groupe russe et il travaille au profit de la Russie. Donc, je l'ai dit il y a un peu plus d'un an, quand l'opération spéciale a commencé en Ukraine, j'ai dit plus les Russes s'impliqueront en Afrique et plus les Français s'impliqueront en Ukraine. Ça, c'est clair. Les Français perdent du terrain au profit des Russes en Afrique. Donc forcément, ils vont essayer de mettre des bâtons dans les roues à la Russie. Ce n'est pas Wagner qui est visé. Qu'est-ce qui donne la puissance à la Russie aujourd'hui? C'est son armée, mais qui n'intervient directement en Ukraine. Et elle n'intervient directement en Afrique non plus. C'est Wagner qui intervient directement pour la Russie en Afrique et en Ukraine. Donc c'est pour ça que Wagner dérange, c'est les intérêts de la France qui sont ciblés. J'arrête pas de dire que les Français ont perdu beaucoup en Afrique, je rassure Madame Cissé, le tour de la Côte d'Ivoire va venir et rapidement, vous serez même surpris, et je pense qu'à chaque fois que j'ai fait une analyse, le temps m'a donné raison. Donc vous verrez que même la Côte d'Ivoire va bouger. D'ailleurs, de moins en moins, Ouattara a le soutien de la France et je dirais même qu'ils essayent de le remplacer parce qu'ils ont peur justement que la Côte d'Ivoire bascule. Concernant le Niger, les États-Unis ont pris le pouvoir. On était à cinq bases militaires américaines contre 4 bases françaises. Aujourd'hui, il y a une 6e base militaire américaine qui est en train de se construire. Donc, les Français perdent et c'est Wagner qui leur fait perdre du terrain au profit de la Russie tout simplement. Ce qu'on peut dire aux Français, j'aurais préféré quand même que ces mêmes députés, au lieu que la France officielle nous dise que l'armée de Nusra, qui est l'armée de Al-Qaïda Syrie, fait du beau travail, et c'était par la bouche de Laurent Fabius, j'aurais préféré qu'ils nous disent que Nusra, c'est un groupe terroriste, pas Wagner, et ce ne sont pas des mercenaires, c'est une société privée tout simplement. On les appelle mercenaires quand ça arrange, mais quand ça n'arrange pas, et ben on les appelle autrement, comme ceux qui sont comme les Daïchi et ceux qui sont qui est de l'armée ukrainienne. Il y a Daesh auprès de l'armée ukrainienne. Ça, on n'en parle pas, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des bénévoles. Donc, vous voyez là, les deux poids et deux mesures, même dans les paroles, ça c'est de la propagande et c'est la fausse information ou la désinformation. Le groupe Wagner est un groupe qui est très performant et il peut nuire doublement aux Occidentaux. Il leur fait perdre du terrain en Afrique principalement et aussi, la crainte des Occidentaux, c'est que beaucoup plus tard, des pays africains, voire des pays arabes, fassent appel à eux parce qu'ils ont réussi des exploits. Une information, en ce moment, il y a une propagande concernant Wagner. On dit que Wagner, le chef de Wagner est en train de faire pression sur l'armée russe, il veut se retirer. Non, c'est pas ça. C'est qu'il reste les deux derniers kilomètres et ce n'est pas au groupe Wagner de rentrer à Bakhmout, c'est à l'armée russe. Parce que la victoire sera pour l'armée russe et pour la Russie. Et c'est pour ça que Wagner est en train de reculer. Elle cède le terrain à l'armée russe. Comme la nature n'aime pas le vide, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils vont pas s'en aller en laissant les Ukrainiens tout seuls, ou les Otaniens plutôt, parce que aujourd'hui c'est l'OTAN, depuis pas mal de temps, c'est l'OTAN qui combat les Russes et qui est contre les Russes. Tout le monde le sait. Les Américains eux-mêmes l'ont dit. Donc, le groupe Wagner nuit doublement aux Occidentaux, plus à la France, puisque c'est eux qui lui font perdre du terrain en Afrique. Et puis, en même temps, ça, c'est une puissance qui peut servir à des pays qui veulent se débarrasser d'un néocolon. Linda Larbaoui, on va prendre à présent cet élément de nos envoyés spéciaux depuis la Russie, qui est aux côtés du groupe Wagner depuis plusieurs jours déjà. Le groupe Wagner qui est taxé de terroriste par les députés français qui, en session ordinaire, donc en Assemblée nationale, ont décidé de voter une loi pour amener l'Union européenne à taxer de terroristes le groupe Wagner. Wagner, depuis quelques jours, nous le disons, ne sont pas des troupes terroristes, ne sont pas des mercenaires, ce sont bien sûr ces personnes-là, ces instructeurs qui luttent aux côtés de la Russie. Et on va prendre dans ces extraits qu'on va proposer dans quelques instants. Donc, nous envoyés spéciaux aux côtés de Wagner, ce qui va encore plus vous faire comprendre que Wagner n'est pas un groupe terroriste, ni encore des mercenaires. À tout de suite. The sound of different ammunition is what you will get when you step feet here at the military base of the Wagner here in Russia. This is where all the Wagner soldiers are being trained. Those who are helping Africa to fight insecurity and terrorism, all of them as well as in other areas around the world, here is where they are being trained. La mitrailleuse Utios 12.7, appelée MSVS, est destinée à détruire les effectifs ennemis, les cibles volant à basse altitude et les cibles légèrement blindées jusqu'à 1000 mètres. La mitrailleuse a une portée de tir de 2000 mètres et une capacité de ceinture de 50 cartouches. En ce moment, on s'exerce à l'entraînement et à la coordination de l'équipe qui se met en position, quitte ses positions et reprend ses positions. Расчета с выдвижением на позицию, отход с позиции, занятие позиции. On daily basis, hundreds of Russians knock at the doors of Wagner PMC to get trained to become a Wagner. And all their trainings happen right here. Behind me, hundreds of them who are on their first day of training. After going through the different procedures, they begin their training here. And the different exercises takes place here at the Wagner military base, where Freak Media has been granted exclusive access. This is a procedure which starts here with training with their instructors to the handling of weapons and to the other procedures. C'est près d'une centaine de personnes qui frappent chaque jour à la porte du Wagner à la demande et de façon volontaire d'une formation non seulement précise mais très efficace. Cette formation, ça se passe dans cette base et le premier jour, c'est juste ici, derrière nous. Свидетельствования, отбирают специальность, под которую он подходит. Il проходит трех. Nous choisissons la spécialité qui convient à ceux qui se forment. Ils suivent un cours de formation de 3 semaines donné par des instructeurs professionnels. La formation est différente. Le principal domaine est celui d'assaut. Les gens sont formés à toutes les armes, au contrôle de l'équipement, à la connaissance des cartes, à la connaissance des données technologiques et au contrôle des drones, ainsi qu'à l'assistance médicale tactique. Il convient de noter que la médecine conventionnelle et tactique sont très différentes. C'est exactement le genre de médecine qui est menée dans des conditions de combat. Nos gars reçoivent cette formation. Selon le résultat de l'entraînement, celui qui est le meilleur aura une position plus élevée dans notre compagnie. À la fin de la formation, les gars partent accomplir des tâches de combat dans une zone d'opération militaire spéciale. Специальных боевых задач в зоне специальной военной операции. On est en train d'effectuer la formation, préparation des équipages et leur coordination. On commence par la formation de base. Il y a des gens qui n'ont aucune compétence de combat, qui n'ont jamais de leur vie eu un rapport avec cette technique. Pendant 2 semaines, ils reçoivent une formation de spécialistes. Et nous, avec notre équipe bien coordonnée d'instructeurs, nous les transformons en soldats bien coordonnés et entraînés, prêts à accomplir de vraies tâches en temps réel et sur de vrais champs de bataille. L'obusier automoteur D30 de 122 mm est destiné à attaquer la puissance de feu de l'ennemi. La portée de tir est de 15 300 mètres. Le rayon d'action, 50 mètres. Commandé par l'équipage, il atteint la cible dès le premier tir. Exclusivité dans l'exclusivité pour Afrique Média. Ici, dans la base Wagner, nous avons une extraordinaire chance de rencontrer quelqu'un qui connaît l'Afrique et surtout la République centrafricaine pour avoir y été, pour travailler avec les forces de l'économie dans la République centrafricaine des FACA. Alors, monsieur, merci, vous vous occupez de la formation des soldats de Wagner ici. Dites-nous, quelle image gardez-vous de la Centrafrique et surtout des forces de défense de ce pays? je t'ai compris. Oui, je suis le moniteur militaire, j'ai douane, travaille à Centrafrique avec FACA. FACA, c'est très bien militaire. Chaque soldat, chaque officier, c'est mon ami, c'est mon ami. C'est très bien militaire. Je travaille avec il, avec grand plaisir. Je veux arriver à Centrafrique. Merci beaucoup. Nous savons que vous n'avez pas assez de temps. Les soldats vous attendent. La formation, dites-nous. Alors, la puissance africaine que vous avez laissée derrière vous pour retourner ici en Russie, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une armée bien formée qui est prête et qui a aussi à mesure de faire face aux défis de la Centrafrique? Я вас понял. Лично мое мнение, и как многие мои коллеги... Je vous ai compris. Mon opinion personnelle est comme d'ailleurs pour beaucoup de mes collègues, et que l'armée de la République centrafricaine est en ce moment très bien formée, y compris les officiers, le commandement et chaque soldat. Parce que pendant l'entraînement, les soldats ont montré des résultats très élevés. Il est évident en eux le désir de s'entraîner. Ils ont reçu de très bonnes connaissances. Comme on dit en Russie, chaque instructeur a mis son âme dans ses soldats. Les soldats voulaient ressembler à leur instructeur. C'est pourquoi je pense que l'armée de la République centrafricaine ne peut pas seulement faire concurrence à d'autres armées. C'est l'une des armées les plus fortes, avec un excellent niveau de formation. Les soldats essaient de s'améliorer. Je suis sûr qu'après nos entraînements, ils se sont améliorés parce que je n'ai rien vu d'autre que le désir d'acquérir de meilleures connaissances et un haut niveau de formation. Ils ont travaillé de tout leur cœur et de toute leur âme pour accumuler ces connaissances. Et autant que je sache, ils ont utilisé ces connaissances au combat avec dignité et honneur. Et насколько я знаю, они с честью и достоинством эти знания используют в бою. Спасибо. Voilà, mesdames, messieurs, c'était donc cet instructeur russe qui connaît très bien le continent africain, qui a été il y a quelque temps en Centrafrique pour former les forces de défense de ce pays. Merci, c'est la chance énorme que nous avons eue ici en Russie, à la base de Wagner. Nous l'avons rencontré pour vous. Merci pour ce témoignage. Спасибо. Merci d'avoir regardé. Merci également à vous, Aboubakar Sidiki et Bitben. Lui, chers téléspectateurs, vous avez donc à l'image, à l'écran, nos envoyés spéciaux du côté de la Russie qui étaient au camp de base du groupe Wagner. Ce ne sont pas des terroristes ni des mercenaires. C'est bien un groupe paramilitaire qui forme les militaires, qui forme des hommes prêts à aller combattre et non pas des terroristes comme nous l'a fait croire. Ou alors nous le fait croire à certaines plateformes depuis un certain temps, notamment les députés de la France qui à travers Benjamin Haddad ont affirmé voter une loi appelant à l'Union européenne à inscrire le groupe Wagner dans la liste des terroristes. Luc Michel nous a rejoint. Bonsoir Luc Michel, nous parlons donc de cette information concernant l'Assemblée nationale de France qui à travers ses députés a annoncé une loi sur la condamnation du groupe Wagner. Ils attendent donc le OK de l'Union européenne pour ces derniers. Wagner devrait être inscrit dans la liste des terroristes. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à Linda. Ce n'est pas une nouveauté puisque Wagner était déjà sanctionné par l'Union européenne. Mais la décision de l'Assemblée nationale française, elle va avoir des conséquences graves pour la liberté d'expression. Puisque tous les groupes de soutien à Wagner, mes groupes par exemple, sur WhatsApp et Telegram, vont pouvoir être immédiatement interdits lorsqu'on est repris sur la liste de l'Union européenne des organisations terroristes. C'est évidemment Wagner qui est au cœur de la propagande anti-russe des Européens, puisque c'est leur principal adversaire en Syrie, en Ukraine, au Mali ou en Centrafrique. Et donc, Luc Michel, pour ces derniers, il s'agit d'envoyer un message politique, symbolique, un signal de dénonciation de Wagner et de ses activités qui ciblent délibérément des civils pour avoir un gain politique comme du terrorisme, a donc fait savoir à Benjamin Haddad, un député, notamment le député de la Renaissance de Paris. Wagner, ce qu'on appelle Wagner, puisque Wagner n'existe pas en fait, mais les organisations paramilitaires russes sont le fer de lance de l'action de la Russie un peu partout dans le monde. En particulier, ils ont permis à Assad de gagner la guerre de Syrie et à Trandera de gagner la guerre de Centrafrique. Eugénie Prigozhine a déjà répondu dans les Européens. Il a dit que si Wagner, qui est le principal adversaire des djihadistes dans le Sahel, est qualifié de terroriste, dans ce cas, il faut qualifier les organisations terroristes djihadistes d'organisations humanitaires et les faire reconnaître comme telles par l'Union Européenne. C'est ce qu'il a conseillé au Parlement britannique qui a déjà pris une loi similaire à celle des Français il y a environ quelques semaines. Linda, alors bah oui, on revient vers vous avec ces sorties des députés ou alors du député, puisque nous avons passé l'extrait de Monsieur Haddad. Alors, on va dire que sa sortie invite le gouvernement français à se mobiliser, comment dirais-je, diplomatiquement, voilà, afin que l'Union européenne accède à cette requête et qui doit permettre de sanctionner, selon eux, plus efficacement les membres de Wagner. Selon vous, est-ce qu'ils auront gain de cause, surtout qu'on sait que la Lituanie, elle aussi, a voté une loi pareille, appelant l'Union européenne à sanctionner le groupe Wagner, du moins, à les inscrire sur la liste des groupes terroristes. Oui, ils auront gain de cause, malheureusement, puisque l'Union européenne a déjà pris des mesures de rétorsion économique contre Wagner. Ce qu'il faut retenir de cette affaire, évidemment, c'est que l'Union européenne est prise d'un délire, littéralement d'un délire, c'est-à-dire qu'elle se confronte au monde entier. Elle vient de décider cette semaine de prendre des mesures contre la Chine dans le cadre de son soutien à la Russie. C'est de la folie. L'Union européenne est en train de s'isoler du reste du monde. C'est cela la vérité, mais les dispositions contre le groupe Wagner, évidemment, elles sont quasiment prises automatiquement dans cette affaire. Parole vous est donnée à présent à vous, Linda Larbaoui. Allez-y, poursuivez, on vous écoute concernant, bien sûr, ces propos de l'Assemblée nationale française, sans oublier que la Lituanie avait déjà précédé la France. Selon vous, est-ce que ça pourra marcher? Vous avez suivi Luc Michel, ce n'est pas aujourd'hui aussi que l'Union européenne taxe le groupe Wagner de groupe terroriste. Les Russes, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils sont en train de mener leur guerre tranquillement, avec beaucoup de sérénité. Il y a un officier américain qui a fait une annonce hier en disant que heureusement que Vladimir Poutine prend sur lui et est raisonnable. Sinon, on serait déjà dans une guerre nucléaire ou la troisième guerre mondiale. Le groupe Wagner aussi, c'est ce qu'il a à faire. Il mène sa guerre tranquillement, il réussit tranquillement, ils prennent tout leur temps. Je parle des Russes et de ce groupe qu'on appelle Wagner. Maintenant, l'Union européenne devrait plus s'inquiéter de son économie. Il y a Scholz hier qui nous a appris que l'Allemagne était en récession très grave et très importante, 13,5%. Cette année et l'année prochaine, ça va faire la même chose. Les Français, j'en parle même pas, vous voyez très bien ce qui se passe dans les rues françaises, donc ils devraient plus s'inquiéter de leur économie et de rétablir les choses chez eux. Il y a aussi, quand je parle souvent de Murad Dhina, qui était l'un des principaux du FIS et l'un des créateurs du FIDA, franc islamique du djihad armé, quand je le vois se balader en France, notamment à Paris, et c'est les services français qui le protègent alors qu'il était impliqué dans des massacres d'intellectuels français, et il nous a dit à nous, le peuple algérien, qu'on en fasse des martyrs pour nous. Il l'a dit clairement dans un reportage français, et on sait très bien qui il est protégé. Cet homme-là, ou même la confrérie des frères musulmans, elle n'a jamais été qualifiée de confrérie terroriste ou de groupe terroriste, jamais jusqu'à présent. Et on sait très bien que tous les membres d'Al-Qaïda et tout sort de là. Ils n'ont jamais été qualifiés comme terroristes. Ils ont pris comme le Soudan, comme base arrière à l'époque de Omar al-Bashir, et ils ont déclaré l'État islamique. Mais ils ont été protégés par les États-Unis et par leurs alliés. On voit très bien que la France, il y a le dossier malien. Est-il devenu du dossier malien concernant le terrorisme dans le Sahel, puisque le Mali a affirmé et à plusieurs reprises qu'il avait des preuves contre la France. Donc je suis curieuse et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en devient de ce dossier, parce que les Maliens, monsieur Assimi Goïta qui était ciblé de tous les côtés par les Occidentaux, n'avait pas parlé pour ne rien dire. Il avait un dossier en main et il l'a toujours. Ce qui se passe aussi au Burkina Faso, nous avons à peu près les mêmes paroles. Il y a des Occidentaux qui sont impliqués dans le soutien de ces groupes terroristes. Alors ce député qui a pris la parole, il peut nous expliquer un peu qu'est-ce qui devient de ces dossiers-là. L'histoire de Boucha, Monsieur Lavrov est revenu sur cette histoire il y a 2-3 mois. Et les Nations Unies, au niveau des Nations Unies, il y a eu le veto américain, anglais et français. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé là-bas. Et ce député, il prend la parole et il prend la peine de parler de ce dossier, alors que la France elle-même a boycotté ce dossier, puisque les Russes ont demandé des explications. Donc là, c'est plus de la désinformation, c'est carrément de la propagande. Encore une fois, le groupe Wagner dérange, parce que le groupe Wagner est partout où il y a des groupes terroristes qui sont placés et qui sont subventionnés, qui sont aidés par les Occidentaux. Prenons le cas de Jaish al-Nusra, qui est Al-Qaïda de la Syrie. Ils ont un contrat avec Israël pour soigner leurs blessés. Et c'est l'armée israélienne qui se charge de les sortir de Syrie pour les soigner. Et bien, ils ne sont pas qualifiés comme groupe terroriste, alors que c'est Al-Qaïda de la Syrie. Et bien, on a retrouvé même, et on sait, puisque même moi-même j'envoie des vidéos à Afrique Média, où les groupes de Daesh sont en Ukraine auprès des groupes nazis ukrainiens. Ils sont plus qualifiés comme groupes terroristes, et puis on leur a dit, si vous allez combattre avec les Ukrainiens, vous serez plus considérés comme terroristes. Donc le mot terroriste, est-ce que les Occidentaux, notamment les Français, peuvent nous dire que veut dire le mot terroriste pour eux? C'est ça, au niveau des Nations Unies, je me répète, je l'ai déjà dit sur Afrique Média, le terrorisme n'est pas défini, il n'a aucune définition. Les États-Unis peuvent décider que Hamas ou Hezbollah soient des groupes terroristes parce qu'ils sont soutenus par l'Iran. Les États-Unis peuvent décider que Wagner soit un groupe terroriste, la France également, mais le mot en lui-même, qu'est-ce que c'est que le terrorisme? Ça, on ne le dit pas, il n'y a aucune définition à ce mot-là au niveau des Nations Unies, et on ne veut pas lui donner une signification parce que ça n'arrange pas la France, ça n'arrange pas les Allemands qui jouent un rôle important dans ça, et ça n'arrange pas les États-Unis. Donc le mot terrorisme, on aimerait bien, nous les Africains, comprendre le sens qui concerne les Européens, parce que nous les Africains, nous avons payé le tribut très cher pour savoir ce que c'est que le terrorisme. Nous le vivons encore, et nous savons que l'Afrique ne va pas se débarrasser des groupes terroristes sans l'aide de la Russie ou sans l'aide du groupe Wagner ou sans l'aide de quelques pays qui ont déjà eu affaire au terrorisme. comme la Russie d'ailleurs. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à Grozny, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dans les pays du Caucase où les Russes étaient vraiment ciblés. Donc le groupe Wagner connaît ses dossiers, il sait comment combattre, il sait comment contrer, et c'est ça qui dérange, parce que le groupe Wagner peut nettoyer le Sahel. Merci. À Larbaoui. On va prendre rapidement quelques téléspectateurs avant de refermer l'émission. Allô, bonsoir. Bonjour Céleste, c'est Jean qui revient. Vous me recevez? Eh oui, bonne arrivée à Luc Michel, il y a un peu longtemps. Luc Michel, sois salué. Céleste, vraiment, on dirait que ce pays, la France, qui est la fille aimée de Lucifer, le mal qui gouverne le monde, n'a pas honte. Ce n'est pas une. Je pense que c'est un mépris de la part des politiciens français. Et on dirait même que leur cervelet est tellement masturbé qu'ils ne voient plus le mal qu'ils font aux autres. Oui, justement, ils ont raison. Parce que si eux, ils avec Jean Sapolo, on va prendre rapidement notre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame, je peux intervenir? Allez-y, on vous écoute rapidement, vous êtes en direct. Oui, madame, bonsoir encore. Donc, nous disons par rapport au mépris des peuples des Français, qu'est-ce que c'est la France qui a appelé à parler à l'Assemblée nationale française du terrorisme en Afrique? Est-ce que c'est la France qui a le droit de faire cela? Pourquoi les Français pensent qu'ils sont plus humains que tout le monde? Mais la France fait le terrorisme chez nous, et il y a le français pas qui existe depuis bientôt plus de 70 ans, c'est du terrorisme monétaire. Pourquoi c'est la France qui est mieux placée et dans l'Assemblée? L'Assemblée française ne commande aucun peuple du monde. Ils ne commandent que leur peuple là-bas. Nous, on s'en fiche complètement de ce que la France pense. À chaque fois, ils font des sorties, ils font des trucs comme si le monde est au pied des Français. Le monde n'appartient pas à la France. Personne n'a à disposition des Français. Les Français, c'est qui sur cette terre pour que, à chaque fois, ils ont le mépris de tout le monde. C'est la France qui va décider que Wagner est devenu un groupe terroriste. C'est la France qui est qualifiée. Que la France accepte d'abord les épreuves du Mali, comme ça au vu aux yeux de tout le monde, puisque ils savent le terrorisme. C'est tellement ces pays bizarres là, franchement. Mais les Français même, c'est pas la peine. Comment ils pensent que le monde va devenir, je ne sais pas, un jeu pour eux, quoi, en fait. Ils font des sorties, Non, mais bon Dieu, bon sang, ça c'est quel mépris encore. Vous avez nos objets dans vos musées qui vous apportent des millions de dollars. Le vol en ciel ouvert, c'est-à-dire que tout le monde sait que les objets que vous avez là, sous vous là, c'est pas pour vous. Vos ancêtres n'ont pas fait ces objets là. Mais vous l'avez chez vous dans vos musées, les gens payent pour aller admirer ces objets là. Vous n'êtes pas des terroristes. Mais ça c'est même quelle affaire avec la France. Mais que les Français se mirent un peu dans le miroir pour savoir quel type de humains ils sont. Parce que franchement, c'est pas utile, hein. Franchement, les Français nous dépassent, on ne comprend pas comment ces peuples pensent qu'ils sont au-dessus de tous les peuples du monde. Vous n'êtes que des êtres humains, les créatures de Dieu. Vous n'êtes au-dessus de personne. Vous n'êtes pas plus intelligent que quelqu'un d'autre. Protège leurs intérêts, hein, il a dit Benjamin Haddad dans son intervention. Les intérêts de la France sont menacés en Afrique. Et donc, raison pour laquelle il faudra tirer sur le groupe Wagner. Allez, on va rapidement prendre un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Ah, bonsoir, madame, bonsoir. J'ai quelques questions à vous poser, madame. Alors, remuez la tête et je pourrai savoir si vous avez trouvé ou pas. Écoutez, est-ce qu'un poisson peut vivre hors de l'eau? Remis la tête et je comprends. Non. Très bien. Je vais vous dire une chose, madame. Un menteur, un voleur, un pilleur ne dit jamais la vérité. Donc, si ces gens sont traités de, comment dirais-je, la terroriste, mais c'est seul un terroriste peut détruire un terroriste. Ces terroristes par excellence que sont ces occidentaux là sont gênés par les Wagner que nous aimons parce que c'est des gens qui sauvent des vous On va rapidement prendre notre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, madame. Allez-y, on vous écoute, allons-y rapidement. Allô? On rappelle aux téléspectateurs que les standards sont ouverts. On parle donc de la sortie des députés de l'Assemblée nationale de France concernant le groupe Wagner. Allez-y, on vous écoute. Allô, bonsoir. Bonsoir. Des soucis donc de liaison. On va rapidement prendre un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, madame Chénette Capine. C'est Christian, hein? Christian, dis-moi, vas-y, Christian. Ah, ça va. Votre intervention. J'appelle des caisses. Sénégal. On vous écoute, allez-y. Okay, moi... Oui, mais ces Français-là, pour qui sont ces Français-là? Ils nous prennent comme des animaux sans queue. Avec tout le mal qu'ils ont fait en Afrique. Avec tout. Le Français, comme l'a dit mon procureur qui vient de quitter là, le Français va, le plus grand terroriste, le Français va, c'est le terrorisme. Avec le mal qu'ils ont fait en Afrique, combien de guerres ils ont créé ici, hein? Qui nous foutent la paix, les Français là, qui nous foutent là, c'est pas eux qui définissent la comment c'est pas eux de montrer comment les gens vont se comporter, c'est pas ça, ce petit Macron là, il n'a qu'à le foutre la paix, les gens en ont marre, hein? Chaque fois c'est eux. Et parce que le monde là, ce sont les. Faut pas les gendarmes du monde, faut pas être les gendarmes du monde. Hein? Chaque fois, France, avec tout le mal qu'ils ont fait, regarde la Libye, c'est le terrorisme, c'est eux. Lorsqu'ils ont envahi la Libye, ils ont détruit la Libye, le terrorisme c'est parti partout en Afrique. Hein? Il doit rendre compte à toute l'Afrique. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont à dire, ces Français là? Wagner. Et ça, le groupe Wagner est là pour sauver l'Afrique, pour parer le terrorisme. Maintenant, il faut accuser tous les mots, donner tous les mots d'oiseau. Ah. Mais il n'a qu'à nous foutre la paix, ouais. On n'a pas besoin de ces gens-là. On n'a pas besoin d'eux. Ils n'ont rien fait ici. Depuis combien d'années ils sont en train de killer. Tout le malheur que vit l'Afrique, c'est eux. Ils sont en premier chef. Qui nous a appelé depuis Thiès, c'est du côté du Sénégal. On comprend votre courroux, alors qu'on va prendre rapidement notre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Allez-y, on vous dit. Vous êtes en direct. Oui, j'appelle depuis le Gabon, monsieur Jean. Allô? Oui, je voulais tout simplement dire que les Français, l'Assemblée nationale française n'est pas l'Assemblée nationale du monde, madame. Alors, les Français, depuis les années d'indépendance, ont foutu la merde en Afrique, qu'ils font les gens la paix. À tous ceux qui collaborent avec la Russie aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, je demanderai à ces pays-là de chasser les diplomates français en Afrique. Renvoyez-les chez eux pour leur dire on en a marre de vous. Tant qu'ils sont là chez nous, ce sont eux qui nous embêtent, qui nous foutent la paix. C'est ce que je voulais dire, madame. Merci. Pour rapidement, on prend un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Allez-y rapidement. Allô? Ok, d'accord. J'ai c'est dommage depuis Abidjan. Oui? Oui, bonsoir, Christelle. Ok, je voulais intervenir par rapport à ce fameux député qui veut se prendre comme le bon Dieu. Eh bien, vraiment, ils nous emmènent, ce député. Hein? Ils ont saccagé la Libye. Ils ont fait 10 ans de guerre au Mali. Et il n'y a pas de résultat. Avec ça, Wagner va rester en Afrique pour libérer totalement l'Afrique. Hein? Wagner va libérer totalement tant que la jeunesse africaine aujourd'hui est debout. on est debout, on n'est pas prêt à s'arrêter. Et aujourd'hui, je pense que eux-mêmes, ils vont sortir d'eux-mêmes de l'Afrique. L'Afrique. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Allez-y, on vous écoute, allez-y. En fait, je souhaiterais intervenir concernant le propos des différents députés français relatifs à la qualification de Wagner en tant que terroriste, là. Donc, pour ma part, je pense que les intérêts français étant menacés, donc au jour d'aujourd'hui, la France et son gouvernement peuvent interpréter toutes sortes de choses au vu et au su de tout le monde pour qualifier Wagner de terroriste. Donc je pense que le plus important pour les Africains, c'est de savoir que Wagner participe à un programme. Je pense que tout ça, c'est un système dans lequel les Français nous ont mis. Et au jour d'aujourd'hui, Wagner avec le gouvernement russe sont en train de corriger ou rectifier les choses au jour d'aujourd'hui pour ma part. Donc je pense que quelque part, c'est de ne pas s'attarder sur ce que dit le gouvernement français, encore moins si toutes les différences au lit. Mais parti. On va prendre le dernier intervenant avant de refermer cette édition. Les appels se multiplient. Allô, téléspectateurs en ligne, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, on vous écoute, cher monsieur. Allez-y. Tout d'abord, je dois vous dire que votre émission fait partie d'un programme dont soyez fiers d'être. Ma question, ma réponse sera ceci. La France est un système de pillage. Parce que quand vous regardez bien la scène, vous constatez qu'ils sont là pour De liaison, on va dire que c'est terminé pour cette édition de ce jour concernant les députés français qui demandent donc à l'Union européenne de mettre ou alors d'inscrire le groupe Wagner sur la liste des terroristes. C'est donc en session plénière le mardi 9 mai dernier, alors que la Russie célébrait la fête nationale. De leur côté, ils demandaient donc que ceux-là qui combattent aux côtés de la Russie soient taxés de groupes terroristes. À chacun désormais de faire son analyse et également son commentaire concernant le groupe Wagner. Quant à nous, depuis plusieurs semaines déjà et depuis plusieurs mois, depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis du moins le départ de la propagande autour de cette affaire concernant le conflit ukraino-russe, nous essayons à notre niveau de vous faire comprendre que le groupe Wagner n'est pas un groupe de mercenaires ni un groupe de terroristes. C'est un groupe paramilitaire d'instructeurs qui prépare donc les hommes à la guerre et qui sont aux côtés des gouvernements en Afrique. Ils veulent véritablement que l'Afrique sorte, soit indépendante. C'est du moins ce qu'ils ont fait au Mali et également en République centrafricaine, ce qui ne plaît pas du tout à la France, qui voit ses intérêts attaqués, raison pour laquelle ils demandent à l'Union africaine d'inscrire le groupe Wagner sur la liste des terroristes. Certainement, ça fera l'objet de plusieurs débats. Ils sont nombreux à nous appeler. On va dire que c'est terminé. Merci d'avoir été des nôtres et surtout de rester en compagnie des programmes de la télévision panafricaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Afrique Média, le monde. Afrique Média, le monde, c'est nous.